après quelques saisons, il me repousse des ailes, alors qu'à l'horizon, la peinture se craquait. En deux ou trois printemps, je remplis mes valises, dépassées par le temps. Oh, je sens que je m'enlise, passe encore un été, et puis vient le moment de quitter la cité, suivre l'odeur du vent. Je suis nomade urbain, plus de roues sous mon sleeping car, mais des manouches mondains, j'ai toujours gardé la guitare. Une maison faite de rire, sans lézards et sans fissures. Les enfants pourront courir sans se cogner dans les murs. Pour bien marquer le chemin, je tendrai un arc-en-ciel d'un bout à l'autre du jardin, et ce sera plus jamais pareil.